Salut à tous et bienvenue sur le WB Japis Radio Show pour la rubrique Copie non conforme. 5 covers et leur version originale à découvrir tout de suite. Amemen est une chanson du Spencer Davis Group et qui a été un grand succès emmené par Chicago en 1971. copie non conforme. Jack the Ripper a été composé par Screaming Lord Sutch en 1963, reprise en 2007 par The Horrors. Jack the Ripper ever shows his face. The Ripper, pretty little girl is taking my advice. Jack the Ripper, Jack the Ripper. And don't walk the streets of London late at night. The Ripper, Jack the Ripper. Well, he walks down the street, every girl he meets says your name, blah, blah. Copie non conforme. Taggy Matcher a repris Radioactivity de Kraftwerk en version reggae. La version originale est parue en 1975.

copie non conforme. On écoute maintenant une version en japonais de La Mouche de Michel Polnareff, interprétée par Kenzo Saiki. Sweet.

younger than today. Never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down. I do appreciate your being round. Help me get my feet back on the ground. Life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. Now I know I need you like I've never done before. Around. Help me get my feet back. Alors, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Copie non conforme. Salut !